إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله من كمال هذا الدين وعظيم محاسنه أن بين حقوق المسلم على أخيه ومن أعظم ثمرات حفظ هذه الحقوق حصول ترابط المجتمع وألفته واجتماعه على الخير حتى يكون مجتمعا قويا تتجلى فيه أسمى الأخلاق وأحسنها وتعلو أفقه مبادئ سامية كلها عدل ومحبة وأخوة وتكافل وتناصح وتواص بالحق وتواص بالصبر عباد الله من الأحاديث التي بينت حقوق المسلم على أخيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أخرجه الشيخان وقال في فتح الباري يعني الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في فتح الباري معنى الحق هنا الوجوب والمراد به هنا وجوب الكفاية عباد الله أول هذه الحقوق المذكورة في الحديث السلام على أخيك المسلم إذا لقيته وهو أول ما تبدأ به فلا تبدأه بكلمة أو تحية غيرها ومن المؤسف أن بعضهم يبدأ بكلمة هلا أو مرحبا ويؤخر السلام أو لا يسلم ويكون الأمر أشد إذا بدأه بالسباب أو اللعن فليتق الله أقوام أخروا السلام وابتدأوا بالشتائم إن السلام يا عباد الله هي تحية أهل الإسلام فالمسلم إذا دخل البيت فعليه أن يلقي السلام على أهله ولا يبدأهم بغيره كما هو حال كثير من الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك أخرجه الترمذي وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة عباد الله وثاني حقوق المسلم على أخيه إجابة دعوته إذا كان مستطيعا تقديرا لأخيك إذا كان مستطيعا تقديرا لأخيك لإدخال السرور عليه وصلة للرحم إذا كان من الأقارب. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم. فإذا كان الداعي مسلما ولم يكن مجاهرا بالمعصية، ولم تكن الدعوة مشتملة على معصية لا يستطيع إزالتها، يعني معصية لا يستطيع إزالتها، ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في دعوة العرس. وقال رحمه الله: يشترط أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإذا كان فيه منكر نظرنا، إن كان لا يقدر على تغييره حرمت الإجابة، وإن كان يقدر على تغييره وجبت الإجابة من وجهين. أما إذا كان المنكر ليس في المكان الذي دعيت أو دعيت إليه، وإنما في مكان آخر، وإنما هو صاحب أو مصاحب للوليمة، فقد قال العلماء إنه مخير. وعلى هذا فتقول: انظر ما فيه مصلحة، إن كانت المصلحة في الحضور فاحضر، وإلا فلا تحضر. عباد الله، الحق الثالث من حق المسلم على أخيه أن إذا طلب منه النصيحة أن ينصح له وأن يصدق في نصيحته. قال النووي رحمه الله: وإذا استنصحك فمعناه طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فاحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه، فابذل له محض نصيحتك، وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم. وقد ترك واجب النصيحة. عباد الله، لقد تهاون في شأن النصيحة أقوام، ومنهم من انزوى إلى نفسه فقصر في هذا الأمر، وهذا خطأ. يقول الإمام ابن باز رحمه الله: التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كله من العبادات التي أمر الله بها عز وجل، وهي من وسائل السعادة. فالمؤمنون إخوة، رجالهم ونساؤهم، حق عليهم أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق وأن ينصح بعضهم بعضا وأن يعين بعضهم بعضا على الخير. وقال رحمه الله: المؤمنون يتراحمون ويتناصحون ويتعاطفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون إلى الخير مع أهل بيتهم ومع إخوانهم ومع جيرانهم ومع غيرهم. والرابع من حق المسلم على أخيه تشميته إذا عطس وحمد الله، بأن تقول له: يرحمك الله، ويرد عليك بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. وعلى العاطس أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله يعني يرفع صوته إذا قال الحمد لله حتى يسمعه من حوله ويدعون له. أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته ولك أن تذكره إن كان ناسيا. عباد الله، الحق الخامس من حق المسلم على أخيه عيادته إذا مرضاه، والدعاء له بالشفاء وإدخال السرور عليه وتطمينه والتخفيف عليه بالكلام وعدم إطالة الجلوس عنده وعدم لومه ومعاتبته وعدم إشغاله بكثرة الأسئلة. فإن أخبرك بدون سؤال فقل كلاما طيبا كله تفاؤل بعافيته وشفائه، ولا تطل الجلوس عنده إلا إذا أصر عليك، وإن كان هذا مما يخفف عليه، واحتسب الأجر في نفعه ورقيته الرقية الشرعية إن استطعت ذلك وأحبه وذلك. والحق السادس من حقوق المسلم على أخيه إذا مات يتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أخرجه الشيخان. وقال السعدي رحمه الله: اتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء. عباد الله، إن أهل الإيمان لبعضهم كالبنيان يشد بعضه بعضا في تآلف ومحبة وتعاطف وتكافل وبر وإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، أخرجه الشيخان. وقال ابن رجب رحمه الله: ويفهم من تشبيكه لأصابعه أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها ببعض، فكما أن أصابع اليدين متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد، فكذلك المؤمنون وإن تعدت أشخاصهم فهم يرجعون إلى أصل واحد تجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح وأخوة الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, préservez-vous de son châtiment en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous écartant de ce qu'il vous interdit. Et sachez que parmi les exemples de la perfection de cette religion et de la grandeur de ses enseignements et de la beauté de la religion d'Allah, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié les droits des musulmans les uns envers les autres. Et parmi les fruits qui découlent du fait de connaître ces droits-là et de les respecter, il y a le fait qu'il y a un lien qui est créé entre les différents éléments de la société et de l'affection et de l'amour entre les éléments de cette communauté, entre les musulmans, entre eux-mêmes, les uns envers les autres. Et le fait qu'ils se réunissent ensemble dans le bien et dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et dans tout ce qui amène son agrément. Et par conséquent, cette société musulmane, malgré qu'elle est composée d'éléments qui sont d'ethnies différentes, de langues différentes, d'origines culturelles différentes, de couleurs différentes, mais elle est comme une seule umma, comme une seule nation, reliée par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous unit tous, malgré nos différences extérieures, c'est la foi en ce Coran que Allah nous a révélé et la foi en la sunna de son messager alayhi salatu wa salam. Et les sahaba, ils étaient comme nous, dans le sens que ils étaient eux aussi d'origine différente, hein, et de couleurs différentes, mais ça ne les a jamais empêchés d'être frères les uns avec les autres et de s'aimer en Allah les uns les autres et de respecter les uns envers les autres les droits de l'islam et des musulmans. Et donc, parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés à ce sujet, il a dit que le musulman, il a 6 droits sur son frère musulman. Et les sahaba ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quels sont-ils au messager d'Allah? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a énumérés pour eux. Il a dit, premièrement, lorsque tu rencontres ton frère, donne-lui le salam. Fais-lui le salut de l'islam, qui est as-salam. Et vous savez que as-salam, c'est le salut de tous les messagers, de tous les prophètes. Dans toutes les époques, quand ils sont venus, leur mode de salutation, c'était toujours as-salam. Peu importe les prophètes, ils ont tous utilisé le salam. Et parmi les autres peuples qui ont suivi des prophètes précédents, certains d'entre eux ont abandonné cette sunna des messagers. Mais les musulmans, ils s'y accrochent. Donc ça, c'est le premier droit du musulman sur son frère. Le deuxième, c'est que lorsque ton frère t'invite, tu dois répondre à son invitation. Troisièmement, si ton frère te demande de le conseiller et de lui donner un sincère conseil, c'est-à-dire la nasiha, eh bien tu dois lui donner le sincère conseil. Tu dois le conseiller pour le bien de la même manière que tu te conseilles toi-même dans le bien. Et s'il éternue et qu'il dit Alhamdulillah, eh bien tu dis Yarhamukallah, tu lui fais le dua. Ça fait partie de ses droits aussi. Et un autre également parmi les droits, le cinquième, si il tombe malade, que tu le visites, que tu partes le visiter, soit chez lui ou soit à l'hôpital, hein, et tu lui passes une courte visite. Et le dernier parmi les droits du musulman, c'est que si il meurt, eh bien que tu suives sa janaza, hein, tu suives sa janaza, ses funérailles. Et donc tout ça, ça fait partie des droits des musulmans. Et bien entendu, il y a d'autres droits aussi qui existent en dehors de ça, mais ça, c'est parmi les plus importants. Et c'est certain que, comme les ulama ont mentionné à propos de ces droits-là, c'est-à-dire les obligations, et elles sont obligatoires à l'al-kifaya. Comme les ulama, ils disent à l'al-kifaya, c'est-à-dire que s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui ont déjà rempli ces obligations-là, alors pour le reste, ce n'est plus une obligation dans ce cas-là. Ça reste seulement une recommandation de le faire et un surplus de récompense. Mais si tout le monde délaisse les droits en question, alors tous les musulmans seront considérés comme étant dans le péché à cause de ça. C'est ça la définition de qu'est-ce qui est farud kifaya. Donc pour parler de ces droits qui sont les droits des musulmans les uns envers les autres, le premier d'entre ces droits, on a dit que c'était de faire le salam. Et le fait de faire le salam, c'est même une des choses qui fait en sorte que les croyants auront de l'amour les uns avec les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, yani, est-ce que vous voulez que je vous enseigne une chose, que si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres? Et il a dit, ufshu salam baynakum. Propagez les salutations de paix entre vous. Donc de dire assalamu alaykum. Et malheureusement, à notre époque, certains musulmans qui ont adopté une mentalité un peu étrange et qui ont imité les kuffars, mushrikin, ils adoptent leur mode de salutation au lieu du mode de salutation des prophètes d'Allah. Donc quand ils voient d'autres musulmans, ils disent « bonjour, salut hein, » ou si c'est des jeunes, ils disent « yo, what's up » hein, ou des choses comme ça. Et ils laissent le salam. Hein, ils laissent le salam. Alors non, ça c'est pas permis. Il faut revenir à la salutation des prophètes et des messagers d'Allah. Et lorsqu'on fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous mettre cette bénédiction sur nous. Il va nous mettre cette bénédiction sur nous, comme il le mentionne dans le Coran. Et même lorsque tu rentres chez toi, dans ta maison, la première chose que tu dois faire en rentrant, c'est de dire le salam à ta famille. Donc tu rentres, première chose, hein, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et même s'il n'y a personne chez toi, inshallah, il y aura les anges. Tu rentres, tu dis assalamu alaikum. Et donc ça, c'est une source de bénédiction. Parmi les droits également, on a dit de répondre à une invitation. En particulier si c'est une invitation à un mariage. Ou si c'est une invitation à une aqiqa ou quelque chose de ce genre. Si on t'a invité en particulier, alors tu dois revenir à cette invitation-là, accepter l'invitation, à moins que tu saches que dans cet endroit où on t'a invité, il y aura des péchés. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'y aller. Mais si tu sais qu'il n'y a pas de péché, alors dans ce cas-là, tu dois y aller. Hein? Tu dois répondre à l'invitation, ça fait partie des droits du musulman. Également, parmi les droits qu'on a mentionnés, c'est que si ton frère il te demande un conseil sincère, eh bien, tu dois lui donner ce conseil sincère. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Malheureusement, à notre époque, beaucoup de gens sont devenus un peu complaisants avec leurs amis. Et au lieu de leur dire la vérité et de leur dire les choses sincères, ils disent aux gens uniquement ce qu'il leur plaît, hein, ce qu'il plaise d'entendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande « donne-moi un conseil, hein, conseille-moi dans telle ou telle affaire », ils vont lui répondre uniquement par des choses pour lui faire plaisir. Alors que la nasiha, ça implique que tu dois être sincère, même si tu dois dire à la personne des choses qui vont lui déplaire. Hein, de le conseiller pour qu'est-ce qui est bien pour elle. Même si la personne elle-même, elle n'aime pas cette chose, ou elle ne veut pas cette chose. Également, ça implique que tu dois être sincère et franc lorsque cela lorsque ça comprend ou lorsque ça implique les droits des autres aussi. Si quelqu'un vient te voir, il te demande conseil par rapport à un mariage, par rapport à un commerce ou un business, une transaction. Il te demande des choses à propos de quelqu'un, des informations à propos de quelqu'un. Hein? T'es obligé de lui dire la vérité. Donc, s'il te demande à propos de quelqu'un pour le mariage, et toi, tu caches ce que tu sais de la personne parce que c'est des choses peut-être qui sont négatives ou qui pourraient inciter la personne à refuser de marier la personne, eh bien, même si, hein, toi, tu dis, moi, je veux pas faire le riba. Ça, c'est pas le riba. Ça, c'est la nasiha. De dire la vérité et de clarifier les choses. Parce que si tu caches une information importante à quelqu'un, pour le business, pour le commerce, pour le mariage, pour n'importe quel autre sujet de ce genre, et que la personne, par la suite, elle rentre dans une transaction ou dans une interaction avec quelqu'un qui va lui causer des problèmes par la suite à cause de toi, parce que tu lui as caché la vérité sur ce que tu savais sur la personne, eh bien, tu n'as pas été franc, tu n'as pas été honnête, tu n'as pas été sincère. Et ça, c'est interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui nous trompe ou qui nous triche, ou qui nous trahit, il n'est pas des nôtres. Donc tu dois être honnête et franc. Et en ce qui concerne les autres droits qu'on a énumérés, si quelqu'un il est il éternue, tu lui, il dit Alhamdulillah, tu lui réponds, hein, Yarhamukallah. Et lui, il va te répondre, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mais il faut le dire à haute voix. Des fois, les gens, ils éternuent, puis ils disent Alhamdulillah, mais on l'entend pas. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de répondre ou de dire Yarhamukallah si on n'a pas entendu Alhamdulillah. Également, si la personne, elle est malade, tu vas la visiter, hein, et tu vas pas tu vas pas rester trop longtemps dans la visite, si c'est à l'hôpital, pour pas fatiguer la personne. À moins qu'elle insiste de rester. Hein, elle insiste que tu restes. Et il faut se rappeler une chose en terminant, hein, si la personne, elle meurt, le musulman, il meurt, tu vas visiter, tu vas faire sa janaza. Hein, il y a des grandes récompenses pour ça. Et pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la umma et les musulmans les uns avec les autres à un mur, hein, une construction. Il a dit le musulman par rapport à un autre musulman, il est comme al-bunyan. Al-bunyan, c'est la construction ou le bâtiment. Et il a dit yashuddu ba'duhum ba'dan. Et il a croisé ses doigts comme ça pour montrer comment ils se renforcent les uns les autres. Donc les croyants, ils sont comme une construction, comme les briques dans un mur. Chaque brique renforcit l'autre. Et c'est la comparaison qu'il a donnée pour montrer comment nous, les musulmans, on doit être. Malheureusement, parfois, on n'a pas compris comme il faut cette réalité-là. Et en dehors du fait de prier ensemble, on n'a pas d'autres relations. Et on n'essaie pas de se connaître les uns les autres. Beaucoup d'entre nous ici, je suis certain, s'il regarde à droite de lui et à gauche de lui, il va pas savoir le nom de la personne qui est à côté. Et ça, c'est un problème. On devrait au moins essayer de connaître les gens qui nous entourent dans la mosquée et qui viennent prier avec nous. On devrait essayer de créer des relations d'amitié et de fraternité les uns avec les autres. Parce que à notre époque, souvent dans les mosquées, les gens ils se méfient tous les uns des autres. Où ils ont peur même de créer des relations d'amitié avec les autres qui prient avec eux. Et tu pries avec des frères, tu sais pas leur nom, ça c'est pas normal. Les sahabas, ils se connaissaient tous entre eux. Et si un d'entre eux était absent pendant quelques jours, ils demandaient où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui est arrivé à ce frère? Nous, on est rendu loin de ça à cause de notre façon de vivre. Donc il faut essayer de revenir à nos principes et essayer d'adopter ces relations-là qui sont basées sur la foi et l'amour en Allah, les uns envers les autres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم